Barclay. Jamais je vais ici, je la laisse sur la porte d'entrée. Oui, ça va. Il va dormir. Il va niquer.